Chapitre 15e, Ruse de Gédéon. Les agents chargés d'emmener Gédéon étaient au nombre de 3. Ils avaient mis les menottes au faux hussard qui leur était recommandé comme un homme d'une grande audace et d'une initiative hardie. Un individu qui allait m'allier est réputé ne pouvoir courir bien loin. Le balancement des bras est indispensable à celui qui court pour conserver son équilibre, et à moins que l'on ait fait un long exercice de gymnastique pour s'habituer à maintenir cet équilibre sans le secours des bras, on tombe au moindre obstacle. Gédéon était bohémien, contrebandier, voleur. Étant jeune, il avait fait partie d'une bande d'acrobates. Il connaissait tous les sports, il était souple, agile. Il bondissait avec la grâce et la rapidité du chèvrefeuille. Il se moquait des menottes et des agents. La question pour lui n'était pas de savoir s'il pourrait, mais s'il devait se sauver. Après y avoir mûrement réfléchi, il se décida pour ce dernier parti. Une fois sa résolution prise, il l'exécuta avec une facilité surprenante. Placé entre 2 agents, le troisième étant derrière lui, tenu de chaque côté par la poigne solide d'un des agents, le dernier se tenant prêt à prêter main forte, Gédéon n'eut qu'à raidir les muscles de ses biceps et imprimer une secousse violente à ses gardiens pour se dégager par un saut brusque en arrière. Il donna de l'échine dans le ventre du gardien qui suivait et fut renversé sur lui. Mais il se releva avec une prestesse merveilleuse et envoya un violent coup de tête dans l'estomac à un agent qui se jetait sur lui. Seul qui resta debout fut paralysé par un coup de pied au pubis. Voilà donc 3 hommes à terre, 2 étourdis, l'autre éprouvant d'atroces douleurs. Gédéon arracha l'épée d'un des agents et se servant du pommeau, il les assomma tous 3 comme il le fait de 3 bœufs dans un abattoir. Il en releva 2, les jeta par-dessus une grille dans un terrain vague, entouré, mais non bâti, comme il y en avait tant dans le parc. Il déshabilla entièrement le 3e agent, prit son uniforme et son arme, le jeta à son tour par-dessus la grille et se déguisa en sergent de ville. Tout cela n'avait pas demandé plus de 4 ou 5 minutes. Résolu à tout pour sauver Léonie, Gédéon se mit en embuscade au coin de la rue de Chézy, devant laquelle devait passer sa maîtresse, escortée de 2 sergents de ville. Pour éviter toute communication entre les 2 accusés, le commissaire, on s'en souvient, avait donné ordre de laisser un intervalle de temps et d'espace entre les 2 convois. Léonie n'avait donc quitté la maison du docteur que 20 minutes après le départ de Gédéon. Le commissaire avait jugé ainsi qu'il aurait le temps d'interroger à nouveau Gédéon et de le faire incarcérer avant la venue de sa complice. Lui-même, pour arriver plus vite à son bureau, avait pris la voiture du docteur qui le ramena au poste de l'avenue en peu d'instants. Gédéon n'allait donc avoir à lutter que contre 2 agents. Lorsqu'il les entendit venir, il déboucha franchement de la rue de Chézy comme un agent qui fait sa ronde. Les 2 autres s'y trompèrent. « Tiens, » fit l'un, croyant reconnaître un camarade, « c'est Forster. »« Hé, Forster !» dit le 2e sergent de ville. « As-tu vu passer les camarades emmener un homme il y a un quart d'heure ?»« Non, » dit Gédéon en éternuant, accès de tout qui lui permettait de cacher son visage de sa main libre, comme un homme qui en pareil cas soutient sa tête, geste ordinaire de ceux qui souffrent d'une quinte. « Où as-tu pris ce rhume-là ? » demanda l'un des agents en s'arrêtant. Léonie, plus perspicace, Léonie, éclairée par l'instinct subtil des femmes amoureuses, Léonie avait reconnu son amant. Elle se tint prête à tout événement. On ne l'avait pas garrottée. Inutile pour une femme. On a des égards pour le sexe. Le sergent de ville français est galant. Léonie, fille de basque, montagnarde, résolue, intelligente, était aux aguets. Quand elle vit Gédéon, toussant toujours, allongé brusquement un coup d'épée terrible de bas en haut dans le ventre de l'agent qui tomba sans pousser un cri, foudroyé, et que le second agent saisissait la poignée de son épée, Léonie, avec une vigueur désespérée, l'enlaça de ses 2 bras et le gêna dans sa défense. Il fut frappé dans le dos par Gédéon, qui se servit de son épée volée, comme d'un poignard, la tenant à 1000 lames seulement. Le coup fait, les 2 assassins s'enfuirent et rentrèrent dans Paris. La comtesse prenait aussitôt ses mesures pour les sauver. 4 jours après, Gédéon et sa femme mettaient le pied sur le territoire belge. Là, Gédéon et Louise prenaient le chemin de fer et gagnaient la Hongrie. Une fois dans les vastes plaines du Banat, ils n'avaient plus peur que personne ne le reconnût. Favel vit le ministre de la Justice, il le harcela. « Les assassins ne sont que des instruments, » dit-il. « Je soupçonne le baron de Jalisch et la comtesse Vichenska d'avoir été les véritables fauteurs du crime, dont ma domestique ne fut que l'instrument. Je vous adjure de faire surveiller cette maison des Champs-Élysées, où s'élaborent en ce moment des crimes nombreux. » Il expliqua l'affaire de la succession. Le préfet, frappé de certaines coïncidences, promit de prendre en main la protection des héritiers et il tint parole. La lutte s'agrandissait donc. Et Laura allait avoir sous les bras toute la police de Paris. Elle était de taille à combattre ce grand combat.